Deuxième livre de Samuel, chapitre 20. Et il se trouva là un méchant homme qui avait nom Séba, fils de Bicri, homme de Gémini, qui sonna de la trompette, et qui dit, « Nous n'avons point de part avec David, ni d'héritage à attendre du fils d'Isaïe. Ô Israël, que chacun se retire en ses tentes. » Ainsi tous les hommes d'Israël se séparèrent de David, et suivirent Séba fils de Bicri, mais les hommes de Juda s'attachèrent à leur roi, et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Or quand David fut venu en sa maison à Jérusalem, il prit ses 10 femmes concubines, qu'il avait laissées pour garder sa maison, et les fit garder dans une maison, où il les nourrissait, mais il n'allait point vers elles, ainsi elles furent séquestrées jusqu'au jour de leur mort, pour vivre en veuvage. Puis le roi dit à Amasa, « Assemble-moi dans 3 jours à cri public les hommes de Juda, et représente-toi ici. » Amasa donc s'en alla assembler à cri public ceux de Juda, mais il tarda au-delà du temps qu'on lui avait assigné. Et David dit à Abisaï, « Maintenant Séba fils de Bicri, nous fera plus de mal que n'a fait Absalom, toi donc prends les serviteurs de ton seigneur, et le poursuis, de peur qu'il ne trouve quelque ville forte, et que nous ne le perdions de vue. » Ainsi les gens de Joab sortirent après lui, avec les Kérétiens, et les Pélétiens, et tous les hommes forts, ils sortirent donc de Jérusalem pour poursuivre Séba fils de Bicri. Et comme ils étaient auprès de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa vint au devant d'eux, et Joab avait sa casaque, dont il était vêtu, sainte, et son épée était sainte par-dessus, attachée sur ses reins dans son fourreau, et quand il sortit elle tomba. Et Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Puis Joab prit de sa main droite, la barbe de Amasa pour le baiser. Or Amasa ne prenait point garde à l'épée qui était en la main de Joab, et Joab en frappa à la 5e côte, et répandit ses entrailles à terre, sans le frapper une seconde fois, et ainsi il mourut. Après cela Joab et Abisaï, son frère poursuivirent Séba fils de Bicri. Alors un des serviteurs de Joab s'arrêta auprès d'Amasa, et dit, « Quiconque aime Joab, et quiconque est pour David, qu'il suive Joab. » Et Amasa était vautré dans son sang au milieu du chemin, mais cet homme-là voyant que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors du chemin dans un champ, et jeta un vêtement sur lui, après qu'il eut vu que tous ceux qui venaient à lui s'arrêtaient. Et quand on l'eut ôté du chemin, tous les hommes qui suivaient Joab passaient au-delà, afin de poursuivre Séba fils de Bicri, qui passa par toutes les tribus d'Israël, jusqu'à Abla, et Beth-Maaca, avec tous les Bériens qui s'étaient assemblés, et qui aussi l'avaient suivi. Les gens donc de Joab s'en vinrent, et l'assiégèrent à Abel Beth-Maaca, et ils élevèrent une terrasse contre la ville, au devant de la muraille, et tout le peuple qui était avec Joab, rompait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme sage de la ville s'écria, « Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche-toi d'ici, et que je parle à toi. » Et quand il se fut approché d'elle, elle lui dit, « Es-tu Joab ?» Il répondit, « Je le suis. » Elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Elle parla encore, et dit, « On disait communément autrefois, qu'on aille demander conseil à Abel, et on a ainsi continué. Entre les villes fidèles d'Israël, je suis une des plus paisibles, tu cherches à détruire une ville qui est une des capitales d'Israël, pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ?» Joab lui répondit, et dit, « à Dieu ne plaise que je détruise, ni que je ruine. La chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Ephraïm, qui annonçait bas, fils de Bicri, a levé sa main contre le roi David, livrez-le-moi lui seul, et je m'en irai de devant la ville. » Et la femme dit à Joab, « Voici, sa tête te sera jetée de dessus la muraille. » Cette femme-là donc vint vers tout le peuple, et leur parla sagement, et ils coupèrent la tête à Séba fils de Bicri, et la jetèrent à Joab. Alors on sonna de la trompette, et chacun se retira de devant la ville en sa tente, puis Joab s'en retourna vers le roi à Jérusalem. Joab donc demeura établi sur toute l'armée d'Israël, et Benaja fils de Jéhojada sur les Kérétiens, et sur les Pélétiens, et Adoram sur les tribus, et Josaphat fils d'Ahilu, était commis sur les registres. C'est là était le secrétaire, et Tsado et Abiatar étaient les sacrificateurs. Et Irajaïrit était le principal officier de David.